Mon vieil amant s'obstinait depuis tant de jours à rester chez lui, en alléguant ses rhumatismes, la grippe, un travail pressé, que je l'ai mis en demeure d'accourir. Il n'a pas tardé davantage, et sa mine, discrète et dégagée, de parent en visite chez des jeunes mariés, double ma joie de le revoir. Nous voici en tête-à-tête affectueux, comme autrefois. Comme autrefois, amant. Et pourtant, quel changement! Dieu merci, mon enfant. Allez-vous être enfin heureuse? Heureuse? Je le regarde avec un sincère étonnement. Non, je ne serai pas heureuse. Je n'y songe même pas. Pourquoi serais-je heureuse? Amant claque de la langue. C'est sa façon de me gronder. Il croit à un accès de neurasthénie. Allons, allons, René, ça ne va donc pas aussi bien que je le croyais? J'éclate de rire, très gai. Mais si, amant, ça va, ça ne va que trop bien. On commence, j'en ai peur, à s'adorer. Eh bien, vous trouvez qu'il y a là de quoi me rendre heureuse? Amant ne peut s'empêcher de sourire, et c'est à mon tour de mélancoliser. À quel tourment m'avez-vous de nouveau jeté, amant? Car c'est vous, avouez-le, c'est vous. Des tourments, ajoutai-je plus bas, que je n'échangerai pas pour les meilleures joies. Et jette amant soulagé. Au moins, vous voilà sauvé de ce passé qui fermentait encore en vous. J'en avais assez, vraiment, de vous voir assombrie, défiante, repliée dans le souvenir et la crainte de Théandi. Pardonnez-moi, René, mais j'aurais fait de bien vilaines choses pour vous doter d'un nouvel amour. Vraiment? Pensez-vous qu'un nouvel amour, comme vous dites, détruise le souvenir du premier ou le ressuscite? Déconcerté par l'âpreté de ma question, Amon ne sait que dire. Mais il a touché si maladroitement ma place malade. Et puis, il n'est qu'un homme. Il ne sait pas. Il a dû aimer tant de fois. Il ne sait plus. Sa consternation m'attendrit. Non, mon ami, je ne suis pas heureuse. Je suis mieux ou pis que ça. Seulement, je ne sais pas du tout où je vais. J'ai besoin de vous dire cela avant d'être tout à fait la maîtresse de Maxime. Ou sa femme. Sa femme. Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas. Ma réponse précipitée a devancé mon raisonnement. La bête saute loin du piège avant de l'avoir vue. Ça n'a pas d'importance, d'ailleurs, dit Amon négligemment. C'est la même chose. Vous croyez que c'est la même chose? Pour vous, peut-être, et pour beaucoup d'hommes. Mais pour moi? Souvenez-vous, Amon, de ce que fut pour moi le mariage. Non, il ne s'agit pas des trahisons, vous vous méprenez. Il s'agit de la domesticité conjugale qui fait de tant d'épouses une sorte de nurse pour adultes. Être mariée, c'est, comment dire, c'est trembler que la côtelette de monsieur soit trop cuite, l'eau de vitelle pas assez froide, la chemise mal empesée, le faux col mou, le bain brûlant. C'est assumer le rôle épuisant d'intermédiaire tampon entre la mauvaise humeur de monsieur, l'avarice de monsieur, la gourmandise, la paresse de monsieur. Vous oubliez la luxure, René, interrompt doucement Amon. Fichtre, non, je ne l'oublie pas. Le rôle de médiatrice, je vous dis, entre monsieur et le reste de l'humanité. Vous ne pouvez pas savoir, Amon. Vous avez été si peu marié. Le mariage, c'est... Noue-moi ma cravate. Fous la bonne à la porte. Coupe-moi les ongles des pieds. Lève-toi pour me faire de la camomille. Prépare-moi un lavement. C'est... Donne-moi mon complet neuf et remplis ma valise pour que je file la retrouver. Intendante, garde malade, bonne d'enfant. Assez, assez, assez. Je finis par rire de moi et de la longue figure scandalisée de mon vieil ami. Mon Dieu, René, que vous me chagrinez donc avec cette manie de généralisation. Dans ce pays, toutes les servantes sont rousses. On n'épouse pas toujours Théandi, et je vous jure bien que, pour mon humble part, j'aurais rougi de demander à une femme un de ces menus services qui est, bien au contraire, je bats des mains. Chic, je vais tout savoir. Bien au contraire. Je suis sûre que vous n'aviez pas votre pareil pour boutonner les bottines ou écraser les puces d'une jupe tailleur. Hélas, tout le monde ne peut pas épouser Amon. Après un silence, je reprends avec une lassitude véritable. Laissez-moi généraliser, comme vous dites, malgré l'unique épreuve dont je me sens encore fourbue. Je ne suis plus assez jeune, ni assez enthousiaste, ni assez généreuse pour recommencer le mariage, la vie à deux, si vous voulez. Laissez-moi attendre, parée, oisive, seule dans ma chambre close, la venue de celui qui m'a choisie pour harem. Je voudrais ne savoir de lui que sa tendresse et son ardeur. Je ne voudrais de l'amour, enfin, que l'amour. Je connais beaucoup de gens, dit Hamon, après un silence, qui nommeraient cet amour-là du libertinage. Je hausse les épaules, agacée de me faire si mal comprendre. Oui, insiste Hamon, du libertinage. Mais pour moi qui vous connais un peu, je conjecturerais plutôt chez vous un chimérique, un puéril engouement de l'irréalisable. Le couple amoureux, prisonnier d'une chambre tiède, isolé par quatre murs du reste de la terre, c'est le rêve familier d'une jeune fille très ignorante de la vie ou d'une femme déjà mûre, Hamon. Il proteste d'un geste évasif et poli et esquive une réponse directe. Dans tous les cas, ma chère enfant, ce n'est pas l'amour. Pourquoi ? Mon vieil ami jette sa cigarette d'un mouvement presque emporté. Parce que, vous m'avez dit tout à l'heure, le mariage, c'est pour la femme une domesticité consentie, douloureuse, humiliée. Le mariage, c'est noue-moi ma cravate, prépare-moi un lavement, veille à ma côtelette, subis ma mauvaise humeur et mes trahisons. Il fallait dire amour et non mariage. Car c'est l'amour seul qui rend facile, joyeux, glorieux le servage dont vous parlez. Vous le haïssez à présent, vous le reniez, vous le vomissez parce que vous n'aimez plus Théandie. Souvenez-vous du temps où, de par l'amour, la cravate, le bain de pied, la camomille devenaient des symboles sacrés, révérés et terribles. Souvenez-vous de votre rôle misérable. Je tremblais d'indignation à vous voir employé à des complicités presque d'entremetteuses entre Théandie et ses amis. Mais le jour où j'ai perdu toute discrétion et toute patience, « Aimer, c'est obéir », m'avez-vous répondu. Soyez franche, René, soyez lucide, et dites-moi si toutes vos immolations n'ont pas plus de prix à vos yeux depuis que vous avez recouvré votre libre arbitre. Vous les cotez à leur valeur, à présent que vous n'aimez plus. Avant, je vous ai vu à l'œuvre. Je vous connais, René. N'avez-vous pas joui, inconsciemment, de la miséricordieuse anesthésie que dispense l'amour ? À quoi bon répondre ? Je suis cependant prête à discuter de la plus mauvaise foi du monde. Je ne pourrais aujourd'hui m'attendrir, sauf sur ce pauvre homme qui détaille mes infortunes conjugales en songeant aux siennes. Qu'il est jeune et blessable, et tout imprégné, lui, du poison dont il s'est voulu sevrer. Nous voilà loin de mon aventure et de Maxime Dufferin-Chautel. Je voulais me confier à Hamon, lui demander ses conseils. Par quelle route revenons-nous invinciblement au passé, tout écorché d'épines mortes ? Il me semble que, si Maxime entrait, nous n'aurions pas le temps, Hamon et moi, de quitter assez vite nos visages que nul ne doit voir. Hamon est tout jaune de bile, avec un petit tic dans la pommette gauche, et moi, je rapproche mes sourcils comme si la migraine les opprimait, et je tends durement le cou en avant, mon cou robuste, mais qui perd le moelleux, l'enveloppé de la chair jeune. Hamon, dis-je très doucement, vous n'oubliez pas que je dois partir en tournée, pour changer. Partir ? « Oui, oui, » fait-il comme un homme qu'on éveille. « Eh bien ?»« Eh bien. Et Maxime ?»« Vous l'emmenez, naturellement. »« Naturellement, ce n'est pas si simple que vous avez l'air de le croire. Cette vie de tournée, c'est terrible à deux. Les réveils, les départs au petit matin ou en pleine nuit, les soirées interminables ou pour celui qui attend, et puis l'hôtel, quel début pour une lune de miel ?» Une femme de 20 ans ne se risquerait pas aux surprises de l'aube, du sommeil en wagon, ce sommeil des fins de journée éreintantes, pendant lequel on a l'air d'une morte, un peu bouffie. Non, non, le danger est trop grand pour moi. Et puis, Nous valons mieux que ça, lui et moi. J'avais songé vaguement à ajourner notre cœur à cœur. Merci. Jusqu'à la fin de la tournée et commencer alors une vie, oh, une vie. Ne plus penser à mon se terrer quelque part avec lui, dans un pays qui me tendrait à portée de ma bouche et de mes mains tout ce qui s'offre et se dérobe à moi derrière la vitre du wagon. Des feuilles humides, des fleurs que le vent balance, des fruits embués et des ruisseaux surtout, de l'eau libre, capricieuse, de l'eau vivante. Tenez à mon, quand on vit depuis une trentaine de jours en wagon, vous ne pouvez pas savoir comme la vue de l'eau courante entre les berges d'herbes neuves crispe la peau tout entière d'une espèce de soif indéfinissable. Pendant ma dernière tournée, je me souviens, nous roulions toute la matinée et souvent l'après-midi aussi. À midi, dans les prés, les filles de ferme trayaient les vaches. Je voyais, dans l'herbe profonde, les seaux de cuivre fourbis où le lait mousseux gicle en jets fins et raides. Quelle soif! Quel douloureux désir j'avais de ce lait tiède, couronné d'écume. C'était un vrai petit supplice quotidien, je vous assure. Alors, je voudrais jouir à la fois de tout ce qui me manque, l'air pur, un pays généreux où tout abonde, et mon ami. Malgré moi, je tends mes bras, mes mains unies, pour mieux appeler ce que je désire. Amon écoute encore, comme si je n'avais pas fini de parler. Et puis, mon enfant, après? Comment après? Dis-je avec véhémence. Après? Mais c'est tout. Je ne demande plus rien. C'est heureux, murmure-t-il pour lui-même. J'entends, comment vivrez-vous après avec Maxime? Vous renoncerez aux tournées? Vous ne travaillerez plus au Music Hall? Sa question, si naturelle, suffit à m'arrêter court, et je regarde mon vieil ami, défiante, inquiète, presque intimidée. Pourquoi pas? Dis-je faiblement. Il hausse les épaules. Voyons, René, raisonnez un peu. Vous pourrez, grâce à Maxime, vivre confortablement, luxueusement même, et reprendre, nous l'espérons tous, cette plume spirituelle qui se rouille. Et puis, peut-être qu'un enfant, quel joli petit gars ça ferait. Imprudent Amon. A-t-il cédé à son instinct d'ex-peintre de genre? Ce petit tableau de ma vie future entre un amant fidèle et un bel enfant produit sur moi le plus inexplicable, le plus désastreux effet. Et il continue, le malheureux. Il insiste, sans s'apercevoir qu'une gaieté détestable danse dans mes yeux qui fuit les siens et qu'il n'obtient plus de moi que des « oui » ennuyés, des « sans doute, je ne sais pas » de pensionnaires qui trouvent la leçon trop longue. Un bel enfant, un mari fidèle, il n'y avait pourtant pas de quoi rire. J'en suis encore à chercher le motif de ma méchante hilarité. Un bel enfant. J'avoue que je n'y ai jamais pensé. Je n'avais pas le temps quand j'étais mariée, occupée d'amour d'abord, de jalousie ensuite, accaparée en un mot par Théandie, qui ne se souciait pas d'ailleurs d'une progéniture encombrante et coûteuse. Voici que j'ai passé 33 ans sans avoir envisagé la possibilité d'être mère. Suis-je un monstre? Un bel enfant, des yeux gris, un museau fin, l'air d'un petit renard comme sa mère, de grandes mains, de larges épaules comme Maxime. Eh bien, non. Je fais tout ce que je peux, je ne le vois pas, je ne l'aime pas, le petit que j'aurais eu, que j'aurais peut-être. Qu'en pensez-vous, dites, grand serein chéri? Il est arrivé là, tout doucement, si présent déjà à mon cœur que je continue avec lui mon examen de conscience. Qu'en pensez-vous de l'enfant que nous aurions? C'est Amon qui en veut un, figurez-vous. Mon ami ouvre une bouche de pierrot, toute ronde et stupéfaite, des yeux énormes, et s'écrie « Chouette! Vive Amon! Il l'aura, son gosse! Tout de suite, René, si vous voulez !» Je me défends, car il me bouscule de la pire et la meilleure manière, mordant un peu, embrassant beaucoup avec cet air affamé qui me fait juste assez peur. « Un enfant » crie-t-il. « Un petit à nous. Je n'y avais pas pensé, René. Comme maman est intelligent. C'est génial, cette idée-là. » « Vous trouvez, mon chéri, brute égoïste que vous êtes, vous vous en fichez pas mal que je sois déformée et laide et que je souffre, hein ?» Il rit encore et me terrasse sur le divan au bout de ses bras tendus. « Déformée ? Laide ? C'est vous qui êtes une oie, madame. Tu seras magnifique, le petit aussi, et on s'amusera follement. » Il cesse brusquement de rire et fronce ses féroces sourcils au-dessus de ses doux yeux. « Et puis au moins, tu ne pourrais plus me quitter, ni courir toute seule les grands chemins, hein ? Tu serais prise !» Prise. Je m'abandonne et je joue mollement avec les doigts qui me tiennent. Mais l'abandon, c'est aussi la ruse du faible. Prise, il l'a bien dit, avec un égoïsme emporté. Je l'avais jugé tel qu'il est quand je le traitais, en riant, de bourgeois monogame, de père de famille, coin du feu. Je pourrais donc finir paisiblement ma vie, blottie dans sa grande ombre ? Ses yeux fidèles m'aimeraient-ils encore, quand mes grâces se seraient fanées une à une ? Ah, quelle différence avec l'autre ! Sauf que l'autre, aussi, parlait en maître, et savait dire tout bas, en me serrant d'une poigne rude, « Marche droit, je te tiens. » Je souffre. J'ai mal de leur différence. J'ai mal de leur ressemblance. Et je caresse le front de celui-ci, ignorant, innocent, et en lui disant, « Mon petit, ne m'appelez pas votre petit, chéri. Ça me rend ridicule. Je vous rendrai ridicule si je veux. Vous êtes mon petit ?» Parce que vous êtes plus jeune que votre âge, parce que vous avez très peu souffert, très peu aimé, parce que vous n'êtes pas méchant. Écoutez-moi, mon petit, je vais partir. Pas sans moi, René. Comme il a crié, j'en frissonne de chagrin et de plaisir. Sans vous, mon chéri, sans vous, il le faut. Écoutez-moi, non, Max, je parlerai quand même, après, écoutez. Max, vous ne voulez donc pas, vous ne pouvez donc pas m'attendre, vous ne m'aimez donc pas assez ? Il s'arrache de mes mains et s'écarte de moi violemment. Pas assez ? Pas assez ? Oh, ces raisonnements de femme ! Je ne t'aime pas assez si je te suis et pas assez si je reste ? Avoue-le, si je t'avais répondu, bien, chérie, je t'attendrai, qu'aurais-tu pensé de moi ? Et toi ? Qui pars quand tu pourrais ne pas partir. Comment veux-tu que je croie que tu m'aimes ? Au fait, il se plante devant moi, le front en avant et soupçonneux. Au fait, tu ne me l'as jamais dit ? Quoi donc ? Que tu m'aimes ? Je me sens rougir, comme s'il me prenait en faute. Tu ne me l'as jamais dit ? Répète-t-il, têtu. Oh, Max ! Tu m'as dit, chérie, mon grand serin aimé. « Max, mon ami chéri, tu t'es plainte tout haut comme si tu chantais le jour où... »« Max ?»« Oui, ce jour où tu n'as pas pu t'empêcher de m'appeler mon amour, mais tu ne m'as pas dit je t'aime. » C'est la vérité. J'espérais follement qu'il ne s'en apercevrait pas. Un jour, un autre beau jour, je soupirais si fort dans ses bras que le mot « t'aime » s'est exhalé de moi. Comme un soupir un peu plus haut, et tout de suite je suis devenue muette et froide. T'aime, je ne veux plus le dire, je ne veux plus le dire, jamais. Je ne veux plus entendre cette voix, ma voix d'autrefois, brisée, basse, murmurer irrésistiblement le mot d'autrefois. Seulement, je n'en sais pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. Dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, je t'en prie. Mon ami s'est agenouillé devant moi, et sa prière impérieuse ne me laissera pas de repos. Je lui souris de tout près, comme si je lui résistais, par jeu, et j'ai soudain envie de lui faire du mal, pour qu'il souffre un peu aussi. Mais il est si doux, si loin de ma peine, Pourquoi l'en charger? Il ne le mérite pas. Pauvre chérie, ne soyez pas méchant, ne soyez pas triste. Oui, je vous aime, je t'aime, oui, je t'aime. Mais je ne veux pas te le dire, je suis si orgueilleuse, au fond, si tu savais. Appuyé à ma poitrine, il ferme les yeux. Il accepte mon mensonge avec une sécurité tendre et m'écoute lui dire « je t'aime » quand je ne parle plus. L'étrange fardeau sur mes bras si longtemps vides. Je ne sais pas bercer un enfant si grand, et comme sa tête est lourde, mais qu'il repose là, sûr de moi, car une aberration classique le rend jaloux de mon présent, de mon vagabond avenir, mais il repose confiant contre ce cœur qu'un autre habita si longtemps. Il ne songe pas, l'honnête, l'imprudent amant, qu'il me partage avec un souvenir et qu'il ne goûtera pas cette gloire, la meilleure, de pouvoir me dire « Je t'apporte une joie, une douleur que tu ne connais pas. » Il est là, sur ma poitrine. Pourquoi lui et non un autre? Je ne sais pas. Je m'incline sur son front. Je voudrais le protéger contre moi-même, m'excuser de ne lui donner qu'un cœur désaffecté, sinon purifié. Je voudrais le garder contre le mal que je peux lui faire. Allons, Margot l'avait prédit. Je retourne à la chaudière. Une chaudière de tout repos, celle-ci, et qui n'a rien d'infernal. Elle ressemblerait plutôt à un familial cauchemar. Éveillez-vous, chérie. Je ne dors pas, murmure-t-il, sans relever ses beaux cils. Je te respire. Vous m'attendrez à Paris pendant que je serai en tournée? Ou bien vous irez dans les Ardennes, chez votre mère? Il se lève sans répondre et lisse ses cheveux du plat de la main. Dites. Il prend son chapeau sur la table et s'en va, les yeux bas, toujours muet. D'un bond, je suis sur lui. Je m'accroche à ses épaules. Ne t'en va pas, ne t'en va pas. Je ferai ce que tu veux. Reviens. Ne me laisse pas seule. Oh, ne me laisse pas seule. Que s'est-il donc passé en moi? Je ne suis plus qu'une pauvre loque, trempée de larmes. J'ai vu s'éloigner de moi, avec lui, la chaleur, la lumière. Et ce second amour, tout mêlé des cendres brûlantes du premier, mais si cher, si inespéré, je me suspends à mon ami, d'une main de naufragé, et je bégaye obstinément sans l'entendre. Tout le monde me laisse, je suis toute seule. Il sait bien, lui qui m'aime, qu'il n'est pas besoin de paroles ni de raisonnement pour me calmer. Des bras berceurs, un chaud murmure de vagues mots caressants, des baisers. Ne me regardez pas, mon chéri, je suis laide. Le noir de mes yeux est parti, j'ai le nez rouge. J'ai honte d'avoir été si bête. Ma Renée, ma toute petite, quelle brute j'ai été. Oui, oui, je ne suis qu'une grande brute. Tu veux que je t'attende à Paris, je t'attendrai. Tu veux que j'aille chez maman, j'irai chez maman. Indécise, embarrassée de ma victoire, je ne sais plus ce que je veux. Écoutez, Max chéri, voilà ce qu'il faut faire. Je partirai, seule, avec l'entrain d'un chien qu'on fouette. On s'écrira tous les jours. On sera héroïque, n'est-ce pas? Afin d'atteindre la date, le beau 15 mai qui nous réunira. Le héros, morne, acquiesce d'un signe de tête résigné. Le 15 mai, Max. Il me semble, dis-je plus bas, que ce jour-là, je me jetterai à vous comme je me jetterai à la mer, aussi irrémédiablement, aussi consciemment. Sous l'étreinte et le regard qui me répondent, je perds un peu la tête. Et puis écoute, si on ne peut pas attendre, eh bien, tant pis, tu viendras me retrouver, je t'appellerai. Tu es content? Après tout, c'est idiot l'héroïsme, et la vie est courte. C'est dit, le plus malheureux rejoindra l'autre, ou lui écrira de venir. Mais on va toujours essayer, parce que... une lune de miel en wagon. T'es content? Qu'est-ce que tu cherches? J'ai soif, figure-toi. Je meurs de soif. Veux-tu sonner Blandine? Pas besoin d'elle. Reste là. Je vais chercher ce qu'il faut. Heureux, passif, il se laisse servir et je le regarde boire comme s'il m'accordait une grande faveur. S'il veut, je lui nouerai sa cravate, et je veillerai au menu du dîner, et je lui apporterai ses pantoufles, et il pourra me demander d'un ton de maître « Où vas-tu ?» Femelle, j'étais, et femelle, je me retrouve, pour en souffrir et pour en jouir. Le crépuscule cache mon visage hâtivement réparé, et je tolère qu'assise sur ses genoux, il boive sur mes lèvres mon haleine encore saccadée des sanglots de tout à l'heure. Je baise au passage une de ses mains qui descend de mon front à ma gorge. Je retombe entre ses bras, à l'état de victime, choyée, qui se plaint à mi-voix de ce qu'elle ne veut ni ne peut empêcher. Mais soudain, je me lève d'un bond. Je lutte quelques secondes contre lui, sans rien dire. Je réussis à m'échapper, en criant « Non !» J'ai bien failli me laisser surprendre, là, sur ce coin de divan. Sa tentative a été si rapide et si habile. Hors d'atteinte, je le regarde, sans colère, et ne lui adresse que ce reproche. « Pourquoi avez-vous fait cela, Max ? Comme c'est méchant !» Elle se traîne vers moi, obéissant, repentant, bouscule au passage une petite table, des sièges, avec des « Pardon, ferai plus !»« Chérie, c'est si dur d'attendre !» dont il exagère un peu la supplication enfantine. Je ne distingue plus bien ses traits, car la nuit tombe. Mais j'ai deviné tout à l'heure, sous la brusquerie de l'essai, autant de calculs que d'emballements. Tu serais prise, tu n'irais plus courir toute seule sur les routes. Pauvre Max, lui dis-je doucement. Vous moquez de moi, dites. J'ai été ridicule. Il s'humilie gentiment, avec adresse. Il veut ramener ma pensée sur le geste lui-même et m'empêcher ainsi de songer à ses motifs véritables. Et je mens un tout petit peu pour le rassurer. Je ne me moque pas de vous, Max. Il n'y a guère d'hommes, vous savez, qui se risqueraient à se jeter comme vous, grand diable, sur une femme sans y laisser tout leur prestige. C'est votre dégaine de paysan qui vous sauve et vos yeux de loup amoureux. Vous aviez l'air d'un tâcheron qui rentre du travail à la nuit tombante et qui renverse une fille au bord de la route. Je le quitte pour refaire à mes yeux le cerne bleuâtre qui les veloute et les moire, pour mettre un manteau, pour épingler sur ma tête un de ces profonds chapeaux dont la forme, les nuances bien choisies, rappellent à Max les fleurs animées de Champfleury, ces petites fées fleurs coiffées d'un pavot retourné, d'une cloche de muguet, d'un grand iris aux pétales retombants. Nous allons partir, tous deux, et rouler, doucement, en automobile, dans l'obscurité du bois. Ces promenades du soir me sont chères, pendant lesquelles je tiens, dans l'ombre, la main de mon ami, pour savoir qu'il est là, pour qu'il sache que je suis là. Je puis alors fermer les yeux et rêver que je pars, avec lui, pour un pays inconnu où je n'aurai pas de passé, pas de nom, où je renaîtrai avec un visage nouveau et un cœur ignorant.